La chanson honore des lieux, Marcel Hamon s'extasie sur la Provence avec Bleu, Blanc, Blond. Juliette Gréco reste fidèle à Saint-Germain-des-Prés et Mélina Mercury ne quitte pas sa Grèce avec Les Enfants du Pirée. En cette année 1960, le nouveau franc débarque dans les porte-monnaies et Johnny Hallyday, qui n'a pas encore 18 ans, sur les ondes des radios périphériques avec Kiliwatch. Salut les 60, bienvenue sur Radio Game Oiseau. Kiliwatch, Kiliwatch, Kiliwatch, Kiliwatch, Kiliwatch, Kiliwatch, ce petit rêve qui commence à m'énerver. Kili kili kili kili watch watch watch watch keom kem kehaba. C'est contagieux car au lieu de dire bonjour, en me croisant mes voisins chantent à leur tour. Kili kili kili kili watch watch watch watch keom kem kehaba. J'ai consulté le docteur de mon quartier, en moins d'une heure je l'avais contaminé. Kili kili kili kili watch watch watch watch keom kem kehaba. Le directeur d'un asile m'a enfermé. Le lendemain il chantait à mes côtés. Kili kili kili kili watch watch watch watch keom kem kehaba. Les infirmiers dit de peur m'ont relâché. Voilà pourquoi vous aussi vous chanterez. Yeah! Kili kili kili kili watch watch watch watch keom kem kehaba. Mes amis, n'écoutez pas cet air-là, car vous risquez de finir tout comme moi. One more time! Kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili watch, kili watch, kili watch. Watch! I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. The moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow played melody, but all of those vows you made were never to be. So we're apart, you couldn't be still. Love's sweet melody, but all Radio Guémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Je trouve qu'il fait chaud, chaud, il fait chaud, mais on est si bien, on est si bien. Je trouve qu'il fait chaud, chaud, il fait chaud. Viens et prends ma main, viens et prends ma main. Ensemble on a la même insouciance, de rien ne compte, nous avons la chance de nous aimer. Oh là là là, qu'il fait chaud. Je trouve qu'il fait chaud, chaud, il fait chaud. Mais sous le soleil, mais sous le soleil, on semble nouveau, semble nouveau. Et la vie est belle, et la vie est belle. Partons tous les deux loin de la ville, cherchons quelque part un coin tranquille pour y rêver. Oh là là là, qu'il fait chaud, chaud, chaud. Je trouve qu'il fait chaud, chaud, il fait chaud. Viens, dépêche-toi, viens, dépêche-toi. Ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, c'est un jour de joie, c'est un jour de joie. Et ce premier bonheur sans nuage, heureuse avec toi je le partage, sans hésiter. Oh là là là, qu'il fait chaud, chaud, chaud, oui qu'il fait chaud. Oui, il fait chaud. Chaud, chaud, oui, il fait chaud. Chaud, chaud, oui, il fait chaud. Rien ne vous empêche de rêver. Il fait chaud, ce n'est pas le plus grand tube de Sheila, mais ce titre en 1965 a au moins le mérite de faire plaisir à ses fans. Adaptation contre version originale au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs. Nous évoquerons également le hit parade de juin 1964. Et notre rubrique Le coin du spécialiste sera consacrée aujourd'hui à Little Richard. Merci de nous accompagner. Fantomas se déchaîne. Jane Fonda tire à vue dans 4 ballons. Et Sean Dorfer nous fait partager ses souvenirs sur la guerre d'Indochine. Sir Winston Churchill, lion sacré, a cessé de rugir. Alain Calma devient champion du monde de patinage artistique pendant que Belphégor hante le Louvre et la télé. Conflit indo-pakistanais, les deux pays se disputent le Cachemire. Joe Colombo sort sa chaise empilable. Et au Bus Palladium, à Paris, naît une nouvelle danse, le jerk, l'idiot, bien nommé. Monsieur Propre nettoie tout dans la maison. Monsieur Propre, champion du monde, tout nettoyage. Cricket sort le premier briquet jetable. Et Primrose Bordier lance l'imprimé et la couleur dans la maison. Et après un coup d'état, Boumediene renverse Ben Bella en Algérie. Like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down on the ground and I'm up in the air. Are you leading me on? Tomorrow will you be gone? I wonder if one day that you say that you care. A puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt. Like a puppet on a string. Bien nu comme toujours et très à l'aise sur la scène de la salle baroque du château impérial de Vienne, le 9 avril 1967, Sandy Shaw, la chanteuse britannique de 20 ans, a ravi le public et les jurys de 17 pays au Grand Prix Eurovision de la chanson avec Puppet and a String. Une victoire fêtée comme il se doit, un zeste de citron, deux doigts de twist, deux minutes de fraîcheur à déguster sans modération sur Radio Game Oiseau. Yeah.

j'aimerais chanter une triste mélodie, pleurant mon grand bonheur enfui. Un air plaintif et qui supplie, car tout est fini. Un air de fête, que rien n'arrête. Ou des cris joyeux, un ciel trouble, quand mon cœur est meurtre. C'est un ciel de pluie qu'il me faudrait aujourd'hui pour mon chagrin et mon ennui. Un air de blues dans la nuit, mais le soleil brille. Un air de fête, rien n'est plus bête. Quand on n'a pas le cœur en joie, mes amis, oui, croyez-moi. James Bond, surnommé aux États-Unis Monsieur Dynamite, est la nouvelle coqueluche du showbiz américain. Cette star du rhythm and blues, dont les spectacles sont fantastiques, reste à découvrir en France où ses disques ne sont pas encore distribués. Par contre, alors là, les siens le sont largement, et les septièmes du hit parade, Françoise Hardy, pourtant tu m'aimes. Je suis une fille et tu es un garçon. Et c'est pour ça qu'on ne voit rien de la même façon. Oui, je sais que c'est vrai. Moi, je rêve toujours de me trouver seule avec toi. Et toi, tu veux tout conquérir, tout connaître à la fois. Pourtant, tu m'aimes. Et je ne peux vivre sans toi. C'est vrai, moi je suis une fille et tu es un garçon. Et toi et moi n'avons jamais les mêmes réactions. Je sais que c'est vrai. Tu regardes une fille et tu la trouves très jolie. Pour que moi déjà je tremble, j'ai l'impression que tu m'oublies. Pourtant tu m'aimes et je ne peux vivre sans toi. C'est vrai, moi je suis une fille et tu es un garçon. Souvent j'ai du mal à nous faire une raison, mais je sais que c'est vrai. Je passe tout mon temps à t'attendre et penser à toi, pendant que tu travailles ou sors avec d'autres que moi. Pourtant tu m'aimes et je ne peux vivre sans toi. Pourtant tu m'aimes. Et je ne peux vivre sans toi. Oh oui, tu m'aimes. Et je ne peux vivre sans toi. Oh, love me do. Beatles, Love Me Do. Dick Rivers l'adaptera sous le titre J'en suis fou et connaîtra un succès plutôt limité. Vous venez de nous rejoindre, c'est un excellent choix et pour vous en remercier, Radio Guimauso vous offre le slow de l'été 66. Pascal Danel, La plage au romantique. Sur une plage, une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Je veux t'aimer à mon idée. Cette plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin la dune, comme le temps a passé. Je veux t'aimer à mon idée. Et mes mains sur son visage l'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. Allez viens, veux-tu m'épouser? Dans quelques minutes, vous retrouverez notre deuxième match en votant au 03 29 62 40 40. Vous pourrez choisir entre l'adaptation et la version anglaise de ce match. Dans l'immédiat, Claude François vous souhaite la bienvenue à la ferme du bonheur. J'entends les oiseaux qui chantent à la ferme du bonheur. Chalala, chalala, je vais les aider. Chalala, je vais les aider. Soyez les bienvenus à la ferme du bonheur. Je n'ai qu'une ferme chancelante, un moulin trop vieux, un bout de terre en pente et trois arbres au milieu. Mais il suffit parfois pour être heureux et comblé d'un peu de bonne terre et de bonne volonté. Chalala, je vais les aider. Chalala, je vais les aider. À la ferme du J'entends les oiseaux qui chantent à la ferme du bonheur. Mais quand le soir je monte sur ma colline en fleurs, je respire dans le silence la paix et le bonheur. Ah, chalala, je vais les aider. Chalala, je vais les aider. Allez tous ensemble, chalala, je vais les aider. Chalala, je vais les aider. La porte est grande ouverte à la ferme du bonheur. Encore une fois, oui. Encore une fois, chalala, je vais les aider. Radio Guémozo, les bons moments ont toujours une musique. Nouveau. Mon cœur est flou, il est fort, j'en ai. bonheur. Tu as pris mon cœur. Il n'y a pas d'erreur. C'est toi le vainqueur. Et je te l'avoue, je t'aime comme un fou. Seul mot de toi, je crie ma joie. Je n'ai plus de peine. Je suis KO. Comment, comment? Je sais que tu m'aimes. Bam bam bam opposé pour ce deuxième match, non pas à la version originale qui est interprétée par Johnny Hooker, mais à la version anglaise des Animals. Donc adaptation ou version anglaise, mais voilà, c'est à vous de choisir sur Radio Gemozo. True. Boom, boom, boom, boom. I like the way you walk. I like the way you talk. When you walk that walk and you talk that talk, you knock me out right off of my feet. Come on, shake it, baby. Shake it up, baby. The way you talk, when you walk that walk, and you talk that talk, you knocking me out, right off of my feet. I need you right now, I mean right now, I don't mean tomorrow, I mean right now. Come on, come on. Come on, shake it up, baby. Come on and shake it, baby. Shake it up, baby. He went away, and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, You said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble. Hey la, hey la, my boyfriend's back. See him coming, better cut out on the double. Hey la, hey la, my boyfriend's back. You've been spreading lies that I was untrue. Gérard, c'est roquement bon. Oui, tu me donnes tant de joie, toi que j'adore. Que mon cœur n'a vraiment pas le moindre petit tort. Si l'amour en moi est de plus en plus fort. Oui, tu me donnes bien souvent tant de bonheur. Oui, je ne voudrais pas. D'un autre à mon heure. Oui, bien sûr, ce serait pour moi tout le malheur. Oui, tu me donnes quelquefois de peine. Oui, mais cela ne dure même pas une semaine. Car ton cœur revient depuis longtemps sans chair. Les Vautours, tu me donnes. Il faut bien reconnaître que ça roquait fort sur ce premier 45 tours des Vautours, et notamment avec cette adaptation du Rocky Horror Blues de Gene Vincent. Ne raccroche pas, on change d'année, on change de style avec ce titre un peu oublié de Sheila, qui figure sur son deuxième 45 tours dont le titre vedette était L'école est finie. Ta voix ne raccroche pas. No. mais je t'en prie, ne m'en veux pas, ne raccroche pas. Je serai plus gentil la prochaine fois. J'étais loin de penser qu'à quoi je rêverais. Je ne suis plus une petite fille, on ne rit pas. Au bout du fil, ne raccroche pas. No, no. Laisse-moi te parler, ne raccroche pas. No, no. Ne fais pas cette grosse voix, j'ai la toute à côté de moi. Le tout dernier disque du mois, ne raccroche pas. Écoute-le pour voir s'il te plaira. J'entends siffler le train, tout le monde connaît la version de Richard Anthony. Mais savez-vous que Hugo Frey fut le premier à chanter ce titre ? Oui ? Non ? Eh bien, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous propose d'écouter cette version qui n'a pas emballé le public ni les fans d'Hugo Frey. J'ai pensé valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai, dans la cohue des au revoir. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi. J'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir. Que c'est loin où tu t'en vas. Que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Quelques minutes, vous retrouverez notre coin du spécialiste consacré aujourd'hui à Little Richard, l'un des grands noms du rock'n'roll. Mais auparavant, nous évoquerons l'année 61, et plus précisément le mois d'octobre de cette année 61. En ce mois d'octobre, eh bien, les chats sauvages sortent leur premier 33 tours, 25 cm, sur lequel figurent, entre autres, les genoux qui craquent. Mais voilà, à l'époque, on ne le savait pas, ce 33 tours, un vrai bijou, clôturait la première et meilleure époque des chats sauvages, puisque Willy, leur batteur, allait les quitter après ce disque. Je n'entends plus depuis longtemps mes genoux qui craquent. Je n'entends plus depuis longtemps mes genoux qui craquent. Quand tu ne veux plus, oh mon amour, danser, danser avec moi. Je voudrais bien à nouveau danser, me dégourdir enfin les deux pieds. Danser le rock ou le cha-cha, oui, mais seulement voilà. Pour danser le rock et puis le cha-cha-cha. Chérie, j'avoue, je ne peux m'en sortir qu'avec toi. Yeah, yeah, yeah, qu'avec toi. Je n'entends plus depuis longtemps mes genoux qui craquent. Je n'entends plus depuis longtemps mes genoux qui craquent. Car tu ne veux plus, oh mon amour, danser, danser avec moi. Mais un beau soir, j'en ai vu assez. À nouveau, j'ai dansé avec une autre que toi. Des rock et puis des cha-cha. Mais avec elle, c'est curieux, tu vois. Je n'ai pas condensé, ce n'était pas pareil qu'avec toi. Yeah, yeah, yeah, qu'avec toi. Je n'entends plus depuis longtemps mes genoux qui craquent. Je n'entends plus depuis longtemps mes genoux qui craquent. Car tu ne veux plus, oh mon amour, danser, danser avec moi. Oh reviens, reviens mon amour, danser, danser avec moi. Oh reviens, reviens mon amour, danser, danser avec moi. Avec Gérard, c'est rockement bon. Né en 1935, Little Richard doit son pseudonyme de petit au fait qu'il a commencé très jeune. Victor Hugo ou Émile Zola auraient pu inventer son personnage. C'est un véritable conte de fées. Le môme pauvre, misérable même, qui devient une star mondiale. C'est une histoire bien américaine. En 1951, il passe une audition et signe un contrat avec RCA qui publie 4 78 tours du môme. Une expérience qui ne fut couronnée d'aucun succès. C'est en septembre 1955 que Little Richard enregistre ce qui allait devenir les disques les plus torrides que l'on puisse imaginer. Deux ans durant, le petit Richard va enregistrer tube sur tube et participer au tournage de trois longs métrages. Le style de Little Richard a servi de tremplin pour des stars comme les Beatles, Otis Redding, James Brown, Larry Williams ou Escalata. Ses compositions figurent en bonne place dans le répertoire de Jane Vincent, Elvis Presley, John Hallyday, Eddie Mitchell, Buddy Holly ou les Everly Brothers. Little Richard est à coup sûr l'une des plus grandes légendes de cette musique, comme Jerry Lee Lewis, Fats Domino ou Chuck Berry. Il reste l'un des glorieux survivants de la grande période de l'âge d'or de la création du rock. Little Richard est un authentique barjot et un génie. Sa biographie est là pour en témoigner. Little Richard, c'est le ou un roi du rock'n'roll, ni plus ni moins. Old Rudy, to the fruit, old Rudy. do my blum bum bum. Got a gal named Sue, she knows just what to do. I got a gal named Sue, she knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. Tootie fruit, oh Rudy, tootie fruit, woo, tootie fruit, oh Rudy, tootie fruit, oh Rudy, tootie fruit, oh Rudy. A womp bum a loom bum a lump bum bum. Got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. Tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, woo, tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, oh Rudy. Yes, indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. Tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, woo, tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, oh Rudy. Oh, wop, bop, a loom, bop, a lop, bam, boom. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. You said you love me, but you can't come in. You said you love me, but you can't come in. Woo! You said you love me, but you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. Why? Yeah! From my tour in England. Yeah! Everybody's talking about the rock and quavo in England. Yeah! Come on over, baby. Hold on, I wanna shake it on. Saturday night again.

parle que de jeu. On ne joue qu'avec le feu. Ça, ma foi, c'est un peu vrai, mais faut rien exagérer. Ils ne comprendront jamais. Nous, on est dans le vent. Chacun son temps, on ne vit que pour l'amour. On ne vit que pour l'amour. Le travail pèse lourd. Le travail pèse lourd. Oh, ils ont des airs de saints, mais ils n'en pensent pas moins. À notre âge, ils ont aimé comme nous dans le vent. Michel Page, nous, on est dans le vent, titre qui servit également d'indicatif à l'émission Dans le vent sur France Inter. Sur Radio Gamozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec les Gams. C'est bien fait pour toi. Un garçon que je connais, Johnny l'a démoli à moitié, et j'ai compris qu'il m'aimait. La version française, la version originale avec Leslie Gore, Judy's Turn to Crying. Troisième et dernier match, troisième et dernier choix pour vous au 03 29 62 40 40. Now that I was a fool.

about you and me, and I'm hoping that you'll come back to me. Oh yeah, I'm lonely as I can be, and I'm waiting for your company, and I'm hoping that you'll come back to me. What you gonna do when the world runs dry? You gonna run away tonight? I'm gonna run right by your side. You pretty baby, I'd even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking about you and me, and I'm hoping that you'll come back to me. I'm Walking, c'était Ricky Nelson, c'était extrait de son premier 45 tours. Ils avaient le son en 1961, ils se sont les chaussettes noires, Foudel. Elle que j'aime, c'est combien je suis fou d'elle. Je l'aime tant, je l'aime passionnément, Foudel. Mon cœur est Foudel. Oh, oh, oh. Oui, elle est là, tout me plaît, car son amour est sincère. Oui, elle n'a pas 20 ans, mais son corps est troublant. Pour mieux l'aimer, je vais vivre à ses côtés. Foudel, mon cœur est Foudel. Oh, oh. Oui, elle est là, tout me plaît, car son amour est sincère. Oh, Foudel. Jaloux, on me prend pour un fou. Je suis cinglé, mais je ne veux pas changer. Foudel, mon cœur est Foudel. Oui, elle est là, si me plaît, car son amour est sincère. Oh, amen. Je suis fou, au diable les jaloux. Et mon amour grandira des jours en jour. Foudel, mon cœur est Foudel. Oui, elle est là, tout me plaît, car son amour est sincère. Et Foudel, oh Foudel. Avec l'air, dans un café on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain je lui téléphone, elle me dit que tout est fini. Oh les filles, au cinéma on est allé. Et au moment le plus tragique, elle m'a prié de l'embrasser. Mais comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier. Car elle ne m'a rien demandé. Elle est si douce, elle est si fine. Et j'aime ses beaux yeux étonnés. J'aimerais toute ma vie Karine. Et rien ne pourrait m'en empêcher. Petite fille, petite fille. Au